Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Salut. Bonjour à tous. C'est lundi matin, on est déter, on est motivé, on n'est pas du tout décalé. Bah moi ça va hyper bien en vrai. Je ne sens pas trop le décalage de la de une heure. Non, bien dormi. Je me suis motivé ce matin. Et toi Doug? Bah moi j'ai pas du tout bien vécu le changement d'heure. Hier on m'a clairement volé une heure entre minuit et une heure du mat, mais hier soir. Voilà. Hier soir? Ouais, en fait hier j'ai regardé l'heure que sur mon horloge à aiguille. Et à une heure du matin, j'ai regardé mon horloge, il était minuit, je fais oh trop bien, et puis j'ai regardé mon portable et. Anna! Voilà. Ah oui, parce que t'avais pas changé encore ton la petite aiguille et la grande aiguille. Et non. Ouais, nous c'est pareil avec l'horloge du four dans la cuisine, et bah voilà, du coup, il faut pas se fier qu'à une seule horloge, vous le saurez désormais, chers auditeurs. Exactement, moi j'ai eu une petite frayeur samedi, j'avoue, quand j'ai vu l'heure, que j'ai vu d'un coup qu'il était 3h, alors que 10 minutes avant j'avais regardé, il était, il était minuit et demi, quoi, j'avais l'impression. Je me suis fait une petite peur. Alors, bah aujourd'hui, bon lundi. Hein, aujourd'hui c'est la reprise de la semaine, hein. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un agréable week-end. Lundi 30 mars exactement, aujourd'hui nous souhaitons une bonne fête à tous les Amédées. Excusez-moi, c'est que j'anticipe un peu la blague de... Et aux Amédées et aux Amadeus. Mais enfin, vous l'aviez déjà faite à l'antenne, ça, mon cher Doug, cette blague d'Amadeus. Ouais. Mais c'était pourquoi? C'était la fête de Miloš Forman? Non, c'est parce que c'était l'anniversaire du jour où Miloš Forman avait raflé tout aux Oscars pour avec son film Amadeus. Ah, oui, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller le voir, de profiter de ce confinement pour voir ce film. Je crois qu'il est encore au cinéma, vous pouvez y aller. Incroyable! Non, mais vraiment, ma télé, en plus, il y a quelques années, ils ont sorti une version longue de ce film avec 20 minutes en plus inédites qui sont trop bien. Voilà, je fangirl de Amadeus. Le film s'appelle Amadeus. En vrai, ça me fait rire, mais. Oh là là, mais... le producteur de comédie française Douglas Wilson, quoi. Ça va cartonner. Ouais. 30 mars, on fête également l'anniversaire, c'était en 1989, c'était l'inauguration de la pyramide du Louvre, je sais pas si vous voyez bien la grande pyramide du Louvre, et ben voilà. Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. Pyramide du Louvre, donc, truc pointu, inauguré le 30 mars 1989. Si c'est notre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire. Vous partagez votre jour de naissance avec plusieurs personnalités connues, hein, c'est comme ça qu'on dit. Par exemple, aujourd'hui, c'est la date de naissance de Francisco de Goya, Paul Verlaine. Petit blague, Kevin. J'ai pas de poème, mais j'ai une petite anecdote sur Paul Verlaine. Alors, il a fait la Première Guerre mondiale, comme tout le monde le sait. Et à un moment, ça a été chaud pour lui. Alors, il était dans les tranchées, là, putain, ça canarde, ça tire de partout, ça tire, ça, c'est un peu émouvant, quoi. C'est la guerre, c'est violence, et c'est en même temps émouvant, c'est violent, émouvant. Et un pote qui va le voir, oh Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je crois que j'ai été touché, mais où? Verlaine. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée, salut. Elle était belle. Franchement, elle était hyper belle. Elle était belle, mais elle était longue. Ouais. Et c'est souvent un commentaire qu'on fait d'ailleurs. Voilà, c'est beaucoup... Non, le lundi, c'est trop vénère comme ça. Non, je suis désolé, chers auditeurs, je voudrais pas tomber dans des travers comme ça, mais vous savez ce que c'est. Alors, aujourd'hui aussi, 30 mars, c'est l'anniversaire de Vincent Van Gogh. Bah, un peu classe quand même, franchement, si vous êtes né aujourd'hui, vous partagez votre anniversaire avec Vincent Van Gogh, franchement. Et Chantal Goya, par contre, mais bon. Non, Francisco de Goya, pardon, excusez-moi. Francisco. Je les confonds toutes les deux, c'est pour ça. C'est le chapeau. c'est également l'anniversaire de Jean Giono, de Robert Badinter, de Jean-Claude Brialy. Alors Badinter, vous pouvez faire un petit topo là pour ceux qui connaissent pas spécialement. J'ai noté avocat et homme politique français. Oui. C'est pas lui qui a le père de l'Europe là avec les gros sourcils et tout hein. Non, ouais. C'est tout. Non, c'est pas une blague pour une fois, c'est une vraie interrogation. Alors pour Jean-Claude Brialy, je crois, mais il faudra que José me confirme ou non. Je crois que Jean-Claude Brialy est un lointain cousin à nous. Et ça, c'est un peu la classe. Voilà. C'est pas le rappeur qui fait. Brialy. Oh putain. Wow, wow, wow. On commence la semaine sur les chapeaux de roue. Également aujourd'hui, l'anniversaire de Warren Beatty, d'Eric Clapton. Mm. C'était. And you know my name. Beedy, beedy, beedy, beedy, and the tears in heaven. Je suis mon propre cartouchier, moi, je me fais des... Ah. C'est parfait, parce que moi, je pense qu'on peut faire le prochain. Également, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Richard Gottener. Ouais. Richard Gottener, si vous ne connaissez pas, qui a fait beaucoup de musique, de publicité, qui a fait plusieurs albums également, vraiment très bien. Notamment Chants Azou, que je vous conseille, où il pose nu, telle une statue grecque sur la couverture. Richard Gottener qui chantait par exemple le mambo des calcos. Allez, un extrait peut-être, une petite interprétation extrait. Qui parle de tatou. Attends. Il n'est pas à ce qu'on dit, de docteur qui guérit la mambo maladie, du décalcomanie. Elle m'a pris tout petit. On a du lavabo, la maladie mambo, la manie des calcos, mambo. Voilà, et ça donne tout de suite envie de s'écouter tout l'album. Oui, ça me donne vraiment envie de s'écouter tout l'album, je l'ai réécouté hier, il est trop bien. C'est également l'anniversaire de Madame Tracy Chapman. Talk about a revolution. Voilà, de Tracy Chapman. Donc, c'est également l'anniversaire de Madame Norah Jones. Là, j'ai pas. Là, non. T'as pas Norah Jones? Bah non, ma mère écoutait autant Tracy Chapman que Norah Jones, mais j'ai pas la voix Doug, de velours Doug, lundi matin. Tu l'as, Norah Jones? Pas du tout, hein. Bah, Come away with me in the night. Elle chantait ça. Ouais, mais pour s'en rendre compte, il faudrait allumer des bougies. Ouais. Il faudrait un truc, une ambiance tamisée. C'est également aujourd'hui, alors là, je veux votre plus belle imitation, c'est l'anniversaire de Céline Dion. Voilà, je pense qu'on a certaines personnes sur cette radio qui vont dû réclamer. Moi, j'ai pas les paroles, hein, j'ai que les... Sinon, ça. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Que les choses ont changé. Merci, voilà, moi je suis et juste... Et que le temps d'avant... C'était le temps d'avant, non. Voilà. Je recherchais ton âme, dans le fond, dans les femmes. Je regrette tant qu'on ne l'ait pas mise dans la playlist, mais apparemment j'étais la seule à vouloir écouter. Ah bah si on aurait pu faire un point oups par contre, là, on aurait pu faire un Céline. Oh point là oups. Là, j'espère qu'on va faire un Céline point oups. Céline oups point mp3, j'avoue, on aurait dû faire ça. C'est magnifique. Mais bon, aujourd'hui, on a dans toute cette liste incroyable d'anniversaires. Je le rappelle, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire. Vous avez vraiment une belle liste de gens avec qui vous partagez votre anniversaire. Du coup, bah, nous, on en a choisi une dans tout ça. Aujourd'hui, bah, c'est l'anniversaire de MC Hammer. Et comme on est en période de confinement et qu'on n'a pas le droit de se toucher les uns les autres, bah, on a choisi You Can't Touch This. You can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and do That's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Slide your rump, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump, yeah. You can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Damien, vous vouliez compléter cette éphéméride un petit peu ? Ouais, alors petite précision de Nadia Jeanne, ma maman, qui lui dit bonjour. Donc Badinter, c'est le chef d'orchestre de l'abolition de la peine de mort en France en 82. Et pour continuer dans ce qui est jovial, on va dire, c'est aussi en 95, le 30 mars, il y a Jean-Paul II qui a dit que l'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ah. Voilà, et je rappelle au passage que le droit à l'IVG est vraiment entravé en ce moment à cause du coronavirus. Toutes les personnes qui sont dans cette situation actuellement, qui nous écoutent, et ben force et courage à vous parce que c'est pas facile. Et s'il vous plaît, pas les aiguilles à tricoter, c'est pas du tout une bonne idée. Oh, putain. C'est mon petit conseil médecin du jour, quoi. C'est bon, pourquoi vous offusquez? Je veux le bien, moi, au final. Aujourd'hui, nous avons un invité assez incroyable. Je suis hyper contente qu'on ait réussi à l'avoir dans cette matinale, parce que, clairement, ce n'est pas quelqu'un de matinal. Bonjour, invité. Allô? Oui. Ça a coupé au moment, donc je ne sais pas si c'était à moi. Ah. Alors, invité, qui êtes-vous? Je suis Doudou, Hugo. C'est mon petit frère. Tout à fait. C'est mon petit frère qui... Alors, et vous n'êtes pas du matin, Hugo, c'est ça, hein? Alors, il faut enlever le téléphone de sous le canapé, par contre. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu dois avoir ton doigt sur le micro, peut-être bien. Ah, vous devez, excusez-moi, je vous vois, mais on est collègues. Tu m'entends mieux, là? Tout à fait. Alors, Hugo, j'ai ouï dire que vous n'êtes pas une personne matinale. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, oui. À part si on compte le fait de se coucher tard et dans la continuité. Alors, vous pouvez dire à nos auditeurs comment ça se fait que pourtant, ce matin, on arrive à vous avoir? Parce que j'ai pas dormi, tout simplement. j'ai eu un samedi un peu difficile. Je me suis couché très très tard et du coup j'ai dormi le gros de mon dimanche. Et du coup, là vous êtes tout décalé. J'ai calé sur un rythme en faisant une nuit blanche dimanche. Me coucher aujourd'hui vers 17h, je pense, après le quoi, à 16h, la radio, le point confinement. Le sens des priorités. Je suis taureau, excusez-moi. Pardon. Ah, ok, alors du coup, Hugo, pour vous là c'est la fin de soirée, quoi. Ouais, très clairement. Là, après, ça va être... je vais me reprendre un café pour pas me dormir tout de suite et je vais me regarder une bonne partie de la saison 2 de Stargate SG-1. C'est quelque chose dont vous êtes fan, Stargate SG-1? Ah, je suis un homme de goût, tout à fait. Stargate SG-1, ça faisait très longtemps. Une petite Madeleine de Proust, là. J'approuve totalement. C'est un peu vieilli, mais c'est toujours aussi plaisant. Je sais pas si vous avez entendu, mais Douglas Wilson approuve totalement votre choix de série. Ah. On a une question de Zoukozouli qui vous demande, Hugo, avez-vous déjà rencontré un cheval? Un cheval. Oui, je fais un bisou à le cheval. Alors, on a des précisions de notre directrice des programmes, qui est accessoirement... notre sœur à tous les deux, Hugo, hein, qui nous précise tutoyer son invité égale mettre une distance avec les auditeurs, vous voyez son invité égale inclure l'auditeur dans la conversation. Douglas a répondu tutoyer son auditeur égale faire le jeu de l'extrême droite. Ah. nous laisserons les auditeurs penser ce qu'ils veulent de ça. Alors Hugo, vous généralement comment ça se passe votre matin vu que vous n'êtes pas très matinal? Généralement on est sur quel type de réveil? Mèche grasse déjà ou thé, café, comment ça se passe? Ma morning routine, elle dure 20 minutes. Elle dure 20 minutes? En 20 minutes je suis prêt à attaquer une journée au complet. Ah, est-ce que vous pouvez développer? Ça nous intrigue. Je me lève. Et je te bouscule? Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude? De quoi? C'est ça. Donc, je me lève, je prends un caleçon, un t-shirt ou une chemise, mais de préférence une chemise, en général, vous me voyez plus souvent qu'une chemise. Je file sous la douche, j'enfile mon caleçon, ma chemise, je me brosse les dents, un coup de déo et ensuite, je vais partir pour ma journée. Enfin, après, je vais enfiler un pantalon. Ah oui. Et je suis parti pour ma journée. Voilà. Mais alors, est-ce que vous faites encore... Il fut un temps, Hugo, j'ai souvenir que vous étiez team verre de coca au petit-déj. Non, c'est que dans certains cas. Ah d'accord. Ah, c'est vrai que je trouve ça très plaisant. Alors il y a Douglas qui nous demande quid de l'entretien de sa magnifique barbe. Ah là elle est courte. Ah, et vous profitez du confinement pour faire une petite Tom Hanks dans Seul au monde? Pas vraiment, non. En homme, ça, j'aurais pu en dommage, mais non, là c'est mi-long, c'est tranquille. Il y a Zoukozouli qui nous demande, faites-vous une cure de sébum? Le? Est-ce que vous faites la cure de sébum? Alors, je sais pas en quoi ça consiste. Bah, de pas se laver les cheveux pour laisser tout le sébum aller jusqu'à tes pointes. Pardon? C'est ne pas te laver les cheveux pour laisser tout le sébum aller jusqu'à tes pointes. Oui, une très bonne cure de sébum jusqu'à ce matin. Là, j'ai pris une douche juste avant pour être frais et réveillé pour les auditeurs. Mais oui, je pense que ça devait être ma dernière douche, devait remonter à vendredi, je pense. Ok, belle perf. Alors, il y a C'est pas ma cam qui nous demande... Quoi? Je sentais fort. Ah. Un peu comme Alain sent fort. Bravo. Alors, il y a C'est pas ma cam qui nous demande qu'est-ce qu'une enfance avec Alain Soulard comme papa? Oh là, on a combien de temps? On va faire une spéciale psychologie, je pense, qui nous durera 3-4 heures à un moment. Que de joie, déjà. Qu'est-ce que t'as dit? Que de joie. Une fois, quand j'étais petit, je me suis caché dans la voiture de papa pour aller au travail avec lui. Maman m'a cherché. Oui. Je l'ai caché à l'arrière de la voiture. Voilà. On l'a cherché partout, maman, il a eu très peur, c'était pas si rigolo. Alors, il y a Zoukozouli qui nous donne une info de qualité, elle nous le dit. Saviez-vous que Tormund, hein, qui joue Tormund dans Game of Thrones. Tormund était atteint du Covid-19. Avez-vous peur pour votre santé? Moi, personnellement? Oui. Non. J'ai passé 2 semaines dans l'Est, dans plein foyer infectieux. Et je ne l'ai pas attrapé. On a une question sur sur le chat, monsieur, mon cher Hugo. Qui signait Douls, et la question est et t'en es où dans Stargate SG1? Est-ce que vous pouvez lui répondre? Je pense qu'il est très intéressé. Je réponds avec plaisir. Je viens d'entamer donc l'épisode 1 de la saison 2 où SG1 a déjoué l'attaque du vil Goa'uld d'Apophis et de son fils Chlorel. Voilà, les deux vaisseaux Goa'uld à l'aide de du Jaffa Maître Bratak et c'est très très bon épisode. D'accord, ça doit faire plaisir à Douls de savoir un petit peu où vous en êtes. Peut-être que vous êtes même au même endroit, peut-être que vous suivez de près dans vos... il vous passe le bonjour en fait. Une question de Zoukozouli qui dit ça fait quoi d'avoir Chloé Soulard comme grande sœur? Eh ben pareil, il faudrait plusieurs heures d'émission. Pour dire à quel point je suis magnifique. Ouais, une fois je me suis caché dans sa voiture. Tu parles la fois où t'étais trop sous et que tu faisais des bisous alors, pendant que j'étais en train de conduire. En chantant Philippe Catherine, des bisous. Non, sinon je confonds. Ah. Oui, je vois très bien où tu étais venu nous récupérer une soirée arrosée. On a fait du jardinage. Non. Bon alors Hugo, c'est lundi, hein. En plus toi, vous n'êtes pas couché, donc on va s'écouter une petite chanson de lundi matin. Kéman, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va continuer sur notre lancée de reprises de Philippe Catherine, Francis et ses peintres. On va s'écouter C'est lundi, puisque c'est lundi, et c'est parti. C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop. Fait pas beau, fait pas chaud. Me laver, me raser, m'habiller, me baigner, mes cheveux bien coiffés. Les midis, mes parents sont rentrés en criant, faut manger. Après travailler les deux heures, je suis chômeur, je vais pointer près de chez moi. Dans mon cœur, il y a plein de douleurs. Juste après, je m'en vais au café d'à côté. Il y a des filles et il y a des flippers. Les 20 heures, faut dîner, ma maman cuisiner, mon repas, la télé, il est trop tard, j'ai le cafard, mes idées sont brouillées, je me couche et je dors. C'est mardi, dans mon lit, les midis, et je suis société. Mal dormi, c'est jeudi, vendredi, samedi, hey, c'est dimanche, c'est lundi, dans mon lit, c'est lundi, dans mon lit, c'est mardi, dans mon lit, mercredi, dans mon lit, c'est jeudi, dans mon lit, vendredi, dans mon lit, c'est samedi, dans mon lit, c'est dimanche. Dans mon lit. Debout les campeurs et haut les cœurs. N'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On est même toujours sur la radio des boucons pour la matinale. Il est 10h27. Nous sommes toujours avec Kéman Doug et notre invité Hugo. Alors, il y a eu des petites questions sur le chat. Alors, il y a Loyo qui demande ça fait quoi de ne pas m'avoir eu comme frère. Hugo. C'est pas évident. Il a précisé, je pense que c'est un... Ah non. Ah, c'est Douglas qui a précisé, je pense que c'est un soulagement, car cela veut dire avoir Gianni comme frère. Oh ! L'un va avec l'autre. C'est vrai. Il y a Zuko Zuli qui nous dit, nous avons recueilli 3 hérissons hier, nous allons sûrement les relâcher ce soir. Pourriez-vous leur donner des petits noms ? Peut-être des personnages de Stargate. Oh oui, c'est une très bonne idée. Il y en a que 3, c'est dommage. Bah, du coup, Tilk, Amon et Bratak. Blague que seuls les gens qui ont regardé Stargate peuvent clairement comprendre. Oui. Bah écoutez, merci Hugo d'avoir été notre invité. C'est très gentil de ne pas avoir dormi pour être sûr de nous avoir au téléphone ce matin. Je serai aussi disponible demain. Bah écoutez, on essaiera de vous avoir un matin où là par contre vous serez réveillé avant pour avoir un voilà 2 salles 2 ambiances quoi. Ok. Ouais. Voilà, ça a l'air d'être dur pour vous, Hugo, là, quand même. Hein. Ouais, je commence à fatiguer. Il va falloir mettre un petit peu de MDMA dans votre café hein, pour tenir la journée. Je vais me boire une bière. Bah oui, après tout, c'est le début de soirée. Hein. T'as l'impression qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit. Hein. On n'a clairement pas tous les mêmes lundis matin. Ah ouais, non. C'est encore dimanche soir ici. Ouais. Merci Hugo. Merci, on vous embrasse. Des bisous. Des bisous à tous les auditeurs. Bon, est-ce qu'on se part sur une chronique musicale là, tant qu'on est là, à se regarder dans le blanc des yeux comme des cons? C'est parti. Damien, vous avez un petit commentaire à faire après cette intervention de notre invité, peut-être un petit mot, un petit quelque chose à dire? Je suis impressionné par cette capacité d'Hugo à rester éveillé juste pour la radio des bons cons. Ça prouve à quel point nos auditeurs nous aiment. Ouais, c'est beau. À quel point il y a de l'amour qui se passe. À quel point c'est beau ce qui se passe quand même avec cette radio. Incroyable. Ouais, oui. C'est que lundi. C'est vrai, qu'est-ce que va nous apporter le reste de la semaine? Voilà, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est très plein d'amour ce lundi, je trouve. Il fait beau. Kéman a un magnifique jogging bleu qui scie à merveille avec les cieux. C'est beau, hein? Il y a, ouais, voilà, Hugo qui est Hugo finalement, quoi. Hugo n'est plus actif sur le chat. Hugo, par contre, si tu fais un malaise, il faut que tu aies ton colocataire. Donne-nous régulièrement des signes, voilà, de s'il te plaît. Vie. On fera un point Hugo après la chronique. Ouais, c'est ça. Exactement. On va essayer de l'appeler quand même tous les quarts d'heure pour éviter. Ah, il fait moche à Agen, visiblement. Il fait moche à Agen, mais Zoukozouli, il fait beau dans votre cœur. Ah, moi j'allais dire simplement que pour une fois qu'il fait moche dans le sud et beau chez nous, bien fait pour ta gueule. Mais bon, on est sur deux registres de messages. Alors de quoi on va parler aujourd'hui, Kéman? Eh ben on va parler musique, encore et toujours, puisqu'après tout je ne suis pas pâtissier. tout simplement. T'avais fait avant de prendre l'antenne? Comment? T'avais fait avant de l'antenne, parce que t'es pas pâtissier. Attends. Je l'ai pas. Attends, je l'ai pas. Est-ce que tu peux la... T'avais juste envie de faire pipi, c'est ça? Oh, elle est hyper tirée par les cheveux et pourtant vous n'êtes pas coiffeur. Oh putain, il y a Zoukozouli qui nous dit que par contre Christophe Maé est pâtissier. Mais oui, mais c'est une chronique musique dont nous ne parlerons pas de Christophe Maé. Ah. Voilà. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un artiste que j'aime particulièrement bien, mais j'ai le sentiment de vous répéter ça jour après jour. En même temps, pourras-tu nous faire une chronique sur un artiste que tu n'aimes pas? Bien sûr, on pourrait tenter ça, évidemment, elle serait empreinte de cynisme et de mauvaise foi, comme je sais le faire, mais j'ai si hâte. Vous... Oui? J'ai hâte que tu fasses ça. Ah bah pas de soucis, donnez-moi un nom comme ça, et puis on pas Christophe Maé ni Céline Dion, j'annonce par contre. Non, n'exagérons rien, parce que comme je le dis, je veux quand même parler de musique et non pas de produits consommables. Alors... on va parler de King Krul, tout simplement. Alors c'est un nom qui dit peut-être pas grand chose à bon nombre d'entre vous, parce que c'est un artiste qui fait de la musique plutôt indépendante, qui est sur des labels indépendants. Donc vous l'entendrez pas sur Alouette, sur It West, Fun Radio. Mais par contre vous l'entendrez sur la radio des bons coups. Et voilà. Alors peut-être avec un peu de chance, Inch'Allah sur FIP ou sur Nova, je pense, sur Wii FM, peut-être des radios qui ont un tant soit peu de goût. Donc King Krul, c'est quelqu'un que j'ai connu. Ah, on m'a dit dans l'oreillette que vous avez utilisé tout votre quota de jeux de mots de merde pour les 2020 entières. Bon courage pour les 9 prochains mois. Oh putain de merde. Ils ont tout... Ah non, mais on va être dans la merde. Hein. Non, c'est impossible. De toute façon, j'ai des passe-droits auprès du ministre de la Culture. On s'en sortira. Et apparemment, en période de confinement, on a une extension de l'utilisation. C'est vrai. Parce que ce qui se passe en confinement reste en confinement. Et puis évidemment, il y a des craquages, on pète des plombs, on est seul face à nous-mêmes, donc. Donc ça exacerbe les humours un peu pourris, parce que le problème c'est que quand on a soi-même un humour de merde, à force d'être seul face à soi-même et qu'on a que soi-même à faire rire finalement, et ben. On use et on abuse des jeux de mots gras. Voilà. C'est vrai. Donc King Krul, K-I-N-G, espace K-R-U-L-E. Alors c'est qui ce petit gars? Eh bien c'est bien la question que je me suis posée la première fois que j'ai vu un gamin de 16 ans, briton avec des taches de rousseur, une petite coupe rousse bien mignonne, la tête d'un enfant et la voix d'un gros crooner. À 16 ans, le mec sortait un morceau sous le pseudonyme de Zoo Kid, un morceau qui s'appelait Out Getting Ribs, et à cette époque-là, en écoutant le morceau, je me suis demandé si c'était pas plutôt un black baraqué qui chantait ça, un mec avec un peu âgé, avec de la bouteille, parce qu'il avait tant de bagout, tant de goût et tant de pattes que ça ne pouvait pas venir d'un gamin de 16 ans, ou alors j'étais outré, j'étais dégoûté de ne pas avoir le background musical de ce gamin. Et on va directement s'écouter ce morceau par lequel j'ai découvert King Krul, ça s'appelle Out Getting Ribs. Et il avait 16 ans quand il l'a fait, alors, ça vexe, ça trouve le cul et surtout ça épate. and hate runs through my blood. Well, my tongue was in love, but my heart was left above. I've got to be leaving now. I thought I'd never be shut down, but girl, I'm black and blue, so beaten down to you. Well, I'm beaten down in blue. Don't break away. I waste away. Don't break away. Lay me out across the grave. Hours I should have kept at bay. Well, I had no chance to get away. I can't escape my own escape. Even more when it's sweet to the taste. Red stairs lead sense astray. I look up and seek for fate. I'll be girl, just lean over and say, who laid me down? Who pulled me out? Who take my crown again? Who she's merged in doubt? Wait, I'll make my last request. See, this could be the best. By blue, I need to rest. See, I've been broken down. So much has lost in now. Oh, I just stop and say, girl, ooh, don't you worry about a thing, baby. Et donc c'était King Krul avec Out Getting Ribs. Donc c'était ce premier morceau, il l'a sorti donc quand il avait 16 ans sous le pseudonyme de Zoo Kid, et c'est seulement avec son premier album qu'il va s'appeler King Krul, qui change de nom. Le premier album qui s'appelle Six Feet Beneath the Moon, qui est sorti chez XL Recording, qui est un gros label indépendant londonien, peut-être un des plus gros d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'univers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, à 16 ans, il sort ce titre-là, mais en fouillant sur internet, vous trouvez des vidéos de King Krul, dont du vrai prénom Archie Marshall, qui déjà jouait à Glastonbury sur les scènes de découverte à 13 ans, hein, donc voilà, pour vous dire un peu le niveau du mec. Donc il est guitariste-chanteur à la base, pour dresser un peu son univers, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de jazz, beaucoup de vieux vinyles de jazz, et beaucoup de hip-hop. Et qui essaye de scinder ça, voilà, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Moi j'aime particulièrement ces choix de suite d'accords, de gamme très jazzy, mais incorporé à la pop d'aujourd'hui. Dans les rythmiques, il aime beaucoup, le côté hip-hop s'inspire, se ressent beaucoup dans les rythmiques. Et voilà, ce qu'on retrouve particulièrement chez King Krul, c'est la blue note, la note un peu blues, la note jazzy, cette espèce d'intervalle de demi-ton entre deux tons d'une gamme. Je sais pas comment vous l'expliquer, il aurait fallu que je prenne ma guitare avec moi pour vous faire une petite démonstration, mais voilà, cette espèce d'intervalle qui... Non, je peux pas faire ça avec un synthé, ça. Je sais pas. voilà, c'est entre deux accords qui sonnent juste dans une gamme, qui serait espacé d'un ton, eh bien, on fait juste une transition où on glisse l'intervalle, l'accord qui se situe entre les deux. Cette espèce de glissé qui donne ce côté mélancolique au morceau. Voilà, c'est ce qu'on appelle la blue note. Et King Krul en abuse, en use et en abuse, mais pour notre plus grand bonheur. Donc, il sort un deuxième album qui s'appelle The O's, avec deux O. Et là, on a un peu plus de synthé qui arrive. Il s'est mis un petit peu à jouer sur des synthés qui ne sont pas vraiment des synthés, sur des pianos qui ne sont pas vraiment des pianos, sur ce qu'on appelle des Rhodes ou des Wurlitzer. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Ce sont des pianos faits avec des cordes de guitare, tout simplement. Donc, qui sont un peu hybrides. Ça sonne un petit peu comme des clavecins électroniques, si vous voulez. Et ça donne une, voilà, qui sont vachement utilisés dans la soul, notamment. Hein, Stevie Wonder a beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé ce genre d'instrument. Et lui, il reprend ça dans cet album The O's. Il faut savoir que ces albums s'écoutent de A à Z, hein, ce sont vraiment des voyages avec des moments très barrés, des chansons qui peuvent durer une minute juste d'ambiance et de petites voix, comme une espèce d'annonce d'accueil d'un aéroport qui vous mènerait d'un point A à un point B pour enchaîner vers une autre chanson. Ce sont des univers très riches, c'est un artiste très complet qui se limite pas du tout dans la composition, à tel point qu'il a lui aussi, comme Tyler The Creator, beaucoup d'alias. Donc je vous le disais, il s'appelait Zookid. Son nom d'artiste hip-hop et de beatmaker s'appelle simplement Edgar The Beatmaker. Alors là, sur sa page Wikipédia, il y a aussi un nom, mais alors j'ai encore pas découvert ce qu'il faisait sous ce pseudonyme, mais j'aime beaucoup le nom. C'est The Return of the Pimp Shrimp. Comprenez, le retour de la crevette macro. Et macro dans le sens proxénète, voilà. Donc voilà, ce mec-là, aujourd'hui, là, actuellement à 25 ans, il est né en 94. Yes. Voilà, une bonne année. Hein. Mais comme quoi, c'est marrant, hein, on part tous du même point, mais on n'arrive pas à la même destination, n'est-ce pas, Douglas? Je vois pas ce que tu veux dire. Non, mais sans jugement de valeur, évidemment. Donc on va s'écouter un petit extrait de l'album The O's pour vous montrer un petit peu l'évolution du style. Là, on est sur justement l'utilisation de ces Wurlitzer ou Rhodes dont je vous parlais. Vous allez entendre ça très distinctement, ces petits pianos à cordes de guitare sur un rythme de bossa nova. Et pourtant, on a une patte très hip-hop et on retrouve la voix très grave du gros fumeur de gitane maïs qui est King Krul. On s'écoute ça s'appelle Logos et ça vient de l'album The O's. Fed. He swallowed whole. The soup is great. cold in dreams together. White noise arose. She draws me in and swallows whole. Et voilà, c'était King Cruel Logos, de l'album The O's. Voilà, il y a du saxophone, évidemment, dans son groupe. Hein, la config... Saxophone. Pour vous dépeindre un peu à quoi ça ressemble en live, King Cruel, donc il n'est pas tout seul. Alors, il alterne entre la guitare et son synthé. Il est accompagné d'une bonne type de jazzeux, donc batteur, un bassiste, un guitariste soliste, un saxophone baryton et un saxophone soprano, mais son musicien alterne entre son saxophone et une petite mixette et des petits effets pour retoucher la voix. Donc ce rôle-là, ça représente assez bien l'hybridité de King Cruel entre jazz et musique très très moderne. D'ailleurs, si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble en live, parce que King Cruel en live, c'est vraiment impressionnant. Il y a une super vidéo, une vidéo live de 30 minutes de King Cruel, ça s'appelle Live on the Moon. Donc voilà, où ils sont en tenue de cosmonaute, dans un super décor, et ils jouent leurs morceaux dans des univers, avec des tenues, voilà. Les 30 minutes, évidemment, on voyage aussi un petit peu. Ça montre un petit peu comment sont construits les albums de King Cruel, avec cette idée de trimballer les auditeurs d'un endroit à l'autre, mais sans violence, sans turbulence et en pleine subtilité. Donc voilà, en 2020, King Cruel est revenu pour notre plus grand plaisir. Ah oui, je vais juste prendre le temps de commenter là, Hubert Félix Typhon qui nous dit « Keman, pouvez-vous faire en sorte que King Cruel soit programmé à la Route du Rock 2020 ?» SVP. Si elle a lieu, entre parenthèses, évidemment, hein, on va pas se jinxer, mais c'est vrai que c'est encore incertain. Alors, oui, alors c'est vrai que je connais bien les programmateurs de la Route du Rock. À chaque fois, c'est moi qui un peu leur susurre à l'oreille quelle est la programmation. Donc, je vais faire de mon mieux, Hubert Félix Typhon, évidemment, je vais faire de mon mieux. Alors là, je vous avoue qu'en tout cas, sur le plan très personnel, hein, blague à part, si King Cruel va à la Route du Rock, alors, j'achète 10 tickets juste pour moi. Juste pour avoir l'espace personnel, pour kiffer, pour passer un bon moment, voilà, oui, d'ailleurs, King Cruel qui passait le début mars à Paris, qui a joué au Palais de Tokyo en janvier pour un live surprise en décor pour annoncer son nouvel album Man Alive, et qui passait début mars, et que j'ai loupé parce que je pensais avoir des invitations et que ça ne s'est pas fait parce que les concours de circonstances et tout ça. Et donc c'est un artiste que je rêverais de voir en concert et que je n'ai toujours pas vu, et donc j'ai bien les boules. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Oui, tout à fait, c'est le terme. En tout cas, ça fait cette sensation-là. Voilà, donc 2020, King Cruel Man Alive avec un point d'exclamation, troisième album, tout aussi exceptionnel. J'ai déjà écouté quelques fois, c'est vraiment du lourd. Il faut aussi s'attarder un peu sur les pochettes, hein, sur les visuels de King Cruel, parce qu'il sait s'entourer de très très bons artistes. Et là, la pochette de Man Alive, si, rien que pour aller la regarder, vous tapez ça dans Google Images, King Cruel Man Alive, vous verrez ce visuel, cet artwork magnifique. Et d'ailleurs, il s'est bien s'entourer, hein, le coco, parce que dans son dernier clip, dont dont on va écouter la chanson incessamment sous peu, Alone Omen 3. Encore une fois, là, ça nous balade de campagne à paysage urbain à campagne. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant comment King Krule aime bien nous balader entre deux univers sans nous faire réaliser à quel point on est passé d'un extrême à l'autre. C'est ça, sa force. Et quand je dis qu'il savait s'entourer, c'est que ce clip est réalisé par sa femme, hein, Charlotte Patmore, qui est photographe, qui est également voilà, qui est très douée, qui a suivi pas mal d'artistes, qui est photographe particulièrement dans la musique. Et qu'ils viennent tout juste d'avoir un enfant, donc voilà, 25 ans, 3 albums, papa, le couple, power couple d'artistes indépendants, voilà. Et moi je suis là avec mes 28 ans, mon jogo bleu, en train de me morfondre. Mais c'est pas grave, parce que je vais écouter King Krule Alone Omen 3, et que c'est tellement de la bonne cam que je vais passer un bon moment. Take a dip, feel low, take your time. Take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go, spend it, it's plastic, no do or die. Better flip it, think about it, and do just fine. Well, these things will come and go. See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs, just to see which way you go. See, got this, you're the lead, you're your own. Battle through it, consume it, then let it go. Good. But don't forget you're not alone. The storms of your mind, soak it in for the rain will pass in time. Nothing wrong in sinking low, in the omen of paradise. You're the ghost they put aside, but don't forget you're not alone. Sometimes it's just dreams, but don't forget you're not alone. Sometimes it's dreams. Every minute, every second, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone. Sometimes it's dreams. Sometimes it's dreams. Et en plus, je crois que j'ai allumé le micro un poil trop tôt. C'est ça la magie du direct. T'as entendu? Vraiment, j'ai que t'as entendu parce que là. Oh la vache! Et ben voilà, c'était notre chronique musicale. Et maintenant, nous allons passer à autre chose. On va trouver un truc à dire. Bah, on a des rêves, on nous raconte un rêve. Heureusement qu'on a tout le temps notre fidèle C'est pas ma cam qui nous raconte ses petits rêves. Alors, j'ai rêvé que j'étais dans un immeuble hôpital, déjà c'est chelou, et que j'étais pourchassée par deux mecs qui pouvaient prendre l'apparence de n'importe qui pour m'attraper plus rapidement. Les deux mecs étaient en costume noir avec des lunettes noires. Je sais pas ce que vous en pensez de ce rêve, mais je pense que ça pourrait faire un bon film, voire une trilogie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ferait une très bonne, un très bon film, voire une très bonne trilogie. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que quelque chose vous rattrape dans votre vie? Vous avez peur de quelque chose, c'est pas ma cam? Est-ce que vous fuyez vos responsabilités? Peut-être, hein. Hein? Vous ne travaillez pas assez? Vous jouez trop aux Sims, peut-être? J'ai ouï dire que vous aviez acheté un appartement. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse, hein. Attention, c'est peut-être les responsabilités, la vie d'adulte, tout ça. Ce n'est bien sûr que mon interprétation. Ou alors ça veut dire que vous avez envie de vous lancer dans les films d'action. Peut-être, et dans ce cas-là, je vous conseille de regarder le très bon film Le Boulet. Ouais. Exactement. Oui, parce que voilà. On peut en parler, hein. Je pense qu'il faut en parler. Il faut crever l'abcès. On va en parler parce que, comme on vous l'a déjà dit avec Kéman, on est sur une petite lancée filmographie de Benoît Poulvord. Jusque-là, qui se passait très très bien. Se passait à merveille. On a vu Ils sont partout. C'était pas ouf, mais la performance de Benoît Poulvord était vraiment bien. De toute façon, de manière générale, Benoît Poulvord, sa performance, voilà. On a regardé les émotifs anonymes. On a regardé Raoul Taburin. Et là, en fait, pour être honnête, c'est de ma faute. C'était un peu une pépite d'enfant, Le Boulet. Donc j'ai voulu le regarder. J'ai pas dû le voir depuis 20. Oh putain, on peut dire ça? Oh merde, je peux dire ans, ça ouais, depuis 20 ans. Ans. Depuis 15 ans que j'avais pas vu ce film. Donc petit moment nostalgie. J'avais le souvenir de bien me marrer devant. Donc on l'a regardé. On a bien ri, hein. Bon, Benoît Poulvord joue toujours très bien, hein. Là-dessus, on ne peut rien remettre en cause, mais ce film... Pourquoi? C'est ouais, un grand ouais, questionnement. Ouais. Alors, on vous fait... Juste pour vous vendre du rêve, il y a Gérard Lanvin, il y a Omar Sy, il y a Stummy Bugsy, Marco Prince, qui est-ce qu'on a d'autre? Il y a José Garcia, ouais, Gérard Darmon. Jamel Debbouze, ouais. Rossi de Palma. Ah, ouais, non, mais si, on ouais, a ouais, du cast. Ouais. Hein, ouais. Ah, il y a du gros cast français, hein, mais je sais pas, ils ont une inspi film d'action à l'américaine. Ouais, alors je pense qu'ils se sont vraiment sentis pousser des ailes. Ils ont mis beaucoup trop de thunes dans les effets spéciaux, qui sont au demeurant bien réussis. Hein. Mais peut-être que si on avait payé quelqu'un, un coach, peut-être un prof de théâtre à Gérard Lanvin à la place, peut-être qu'on aurait gagné du temps. C'est vrai. Et il y a des. Payer peut-être un scénariste pour passer derrière les blagues limite, mais ah ouais. Vraiment limite. On a quand même 15 minutes de blackface dans le film, hein, avec Gérard Lanvin et Benoît Poulvord déguisés et maquillés en black. En 2002, hein, peut-être que ça passait, et encore j'ai vraiment des doutes, je sais pas. Ouais. Mais là aujourd'hui c'était gênant, c'était très gênant. C'était gênant, mais c'était rigolo, on a ri, hein. On a vraiment beaucoup ri. On n'arrive pas toujours à savoir pour quelles raisons on arrive ou pas. Oui, Alain Soulard, ce n'est pas le jeu concours encore. On parle juste d'un film qu'on a vu, c'est tout. Mais voilà, c'était malaisant. Mais vous faites bien, Alain Soulard, de nous parler de jeu concours, enfin implicitement en tout cas. Puisque oui, on va s'écouter un petit son, puis on va y venir au jeu concours, si oui, vous n'avez pas d'autres oui, questions, auditeurs. Mais de toute façon, on pourra reprendre vos questions... Après le jeu concours, après oui, jeu, l'un n'empêche hein. pas l'autre. Voilà, on vous annonce, c'est l'avant-dernière chanson qu'on va vous passer. Allez sur le post Facebook. Voilà. Comme d'hab, hein, le dernier post, là c'est Frodon Saquet qui se réveille qui se réveille le 24 octobre à 10h du matin dans la demeure d'Aileron. Donc ouvrez votre page Facebook, ouvrez ce post, préparez-vous à commenter car le jeu concours ne saurait tarder après ce petit morceau. Alors pour mettre en contexte, je me permets, allez-y. Ce petit morceau, c'est un morceau d'Alain Bachung qui s'appelle Vénus. Et ça tombe bien parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce week-end, Vénus était très très présente dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez ressenti son amour, que vous êtes, senti des vagues de bien-être et d'amour. Et bien, c'était Vénus. Je vous laisse avec Alain Bachung, qui est pour moi une de mes préfs de Bachung. L'indard venimeux. Là, un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée, dans un liquide saumâtre, plein de décoction d'acide, qui vous rongerait les os, et puis, l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main, et les délices d'hiver, dissimulés dans les entrailles,

Franchement, au début, quand j'ai vu sa gueule, je me suis dit non, ça va pas être ça tout le film. Et au final, si. Ouais, ouais. Franchement, au bout d'un moment, tu. Voilà, je sais pas, ça. Ça fait, ça va bien avec le personnage. On lui souhaite pas dans la vie de tous les jours, quoi, mais. Doug, excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de faire chauffer quelque chose au micro-ondes? J'essaie de régler ce mieux là. Bah, on a l'impression que vous faites soit du curling, soit vous passez l'aspirateur en même temps. Je fais du curling aspirateur. Ah, intéressant. Bah. Alors, j'espère que vous êtes bien tous connectés sur le Facebook hein, de la radio des bons cons. Que vous êtes prêts à commenter la photo de monsieur Frodo Baggins. voilà pour que Kevin nous parle du coup non pas du boulet hein, parce que ça il s'en souvenait bien ça je ne l'oublierai pas. Par contre il a encore une fois oublié le titre. Voilà, en attendant hein, on aura encore un peu de temps pour discuter. Si vous voulez nous raconter vos rêves, poser des questions, commenter sur le chat, n'hésitez pas, nous sommes encore là pendant au moins 10 minutes facile. Oui voilà, donc, facile. Donc allez-y, n'hésitez pas hein. Allez, alors, on vous dira au revoir. Alors vous êtes tout chaud sur votre post Facebook parce que là j'ai besoin d'un gros coup de main. J'ai maté un film ce week-end, j'ai pas tout compris. C'était une fresque sociale. Il y avait beaucoup de sable. C'était pas la mer, clairement pas, parce qu'on voyait jamais l'océan. Mais il y avait beaucoup de sable. C'était un peu une fresque sociale dans le sens où il y avait un contrebandier, et c'était à la fois une histoire romantique et sentimentale. Il y avait un peu ce contexte-là, parce qu'il y avait un contrebandier, il y avait un autre gus, j'ai pas compris ce qu'il faisait, on s'en fout, après tout, de toute façon, on n'est pas obligé de tout comprendre dans les films, l'idée c'est de se faire saisir par les émotions, et voilà. Il y avait deux mecs et une meuf, en gros, quoi, et ça se dragouillait, J'avais pas. Je crois que le contrebandier il avait plus ou moins plus la cote avec la meuf, hein, j'ai l'impression. Voilà. Niveau époque, j'arrivais pas trop à comprendre. C'était. Enfin. De toute façon, le film était pas d'aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Même l'histoire, j'ai l'impression que c'était quand même passé dans le passé. Alors, est-ce que par contre, l'histoire en elle-même, elle était. Genre, le film était ancien, et du coup, à l'époque de l'ancienneté, les scénarios étaient dans l'histoire présente. Je suis pas sûr. En tout cas, de mon point de vue, là, d'aujourd'hui, de 2020, c'était un film qui se passe dans le passé. Et même le film, il est vieux. Enfin, y a les effets spéciaux qui sont pas tout jeunes. Ça a pas toujours très bien vieilli. Mais ça se passait dans le passé lointain, et voilà, une espèce de triangle amoureux. On n'a pas beaucoup de propositions pour l'instant, hein. Je suis un peu déçu, hein, je vous avoue. Vu le nom de l'endroit où ils étaient, ça devait être du Maroc, mais je suis pas sûr, c'est juste que c'est le nom qui fait consonance maghrébiste. Enfin, moi-même, je m'y connais un petit peu en la question, donc je me suis dit, voilà. Il y avait beaucoup de gens de plein d'endroits différents dans cet endroit, c'était un peu chelou. Ça se retrouve dans un bar, et dans le bar, il y a une ambiance particulière. On voit qu'il y a beaucoup d'étrangers quand même, on voit que les gens... Il y a une forte immigration peut-être. Je sais pas, parce que ça a plutôt l'air d'être un lieu de passage. Je pense pas que c'est plus. C'est pas tourisme, j'ai envie de dire, mais j'ai plutôt envie de dire qu'il y a du monde de partout, quoi. Mais à tel point que. Mais voilà, ça a l'air de. Ouais, c'est cosmopolite hein, comme endroit. Voilà. Et puis, les baraques sont cheloues. Elles sont un peu en forme ronde, comme les maisons des Barba Papa. Il y a ce truc-là. On rappelle aux auditeurs qu'il faut commenter l'image, hein, parce qu'on a envoyé des messages perso. Voilà. Parce que c'est très très vrai, hein. Il y a quelqu'un qui a raison. Alors, du coup, voilà, on est sur des bicoques rondes, un peu comme les Barba Papa. Mais j'ai vite compris que ça n'avait rien à voir avec les Barba Papa. C'est bon, je suis pas né de la dernière graine. On a des bonnes réponses. Je sais pas qui allait le plus vite. Alors, j'ai l'impression. Voilà, là, c'est chaud. En une minute, moi, si je vois le timing, Mais tu vois, c'est pas complet, on a attendu une réponse complète. Ouais, alors, dans quelle mesure on va être dur? Donc, effectivement, c'était Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, comme son nom l'indique. Et, on a bien Elsa qui a commenté juste Star Wars, mais est-ce qu'on accepte Je vais regarder, sous quel nom il est sorti l'épisode 4 au cinéma, et si c'est Star Wars, elle a gagné. Bah oui, non, mais c'est ça. Bah si, on attendait. Moi j'étais parti sur l'épisode 4 et j'essayais de vous feinter avec Casablanca, donc je vois que personne n'a fait, donc bravo la culture générale cinéma, bravo. J'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû faire semblant que c'était Star Wars et parler Casablanca et vous auriez été comme des cons. Le titre original de l'épisode 4 c'est quand même Star Wars. Ah mais pas faux, c'est vrai que le nom Un Nouvel Espoir ils l'ont sorti plus tard. Ah ouais. Dans ces cas-là, c'est Elsa. Ouais, bah effectivement. Mais j'ai le sentiment que c'est marrant parce que c'est vous qui amenez, vous tranchez comme ça. Et bizarrement, qui c'est qui gagnerait avec votre théorie? Ce serait votre sœur? Non, mais même. Ouais, mais même Loyo nous dit si, c'est Elsa. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. À Elsa, ce qui appartient à Elsa. D'autant qu'en plus, Loyo nous précise, alors petite précision, c'est en Tunisie et pas au Maroc. Ah mais oui, mais je me rappelle pas bien des détails, hein, de toute façon, je vous le dis. Hein. Et moi, le but, c'était juste de vous emmener sur Casablanca de manière erronée, donc évidemment que j'étais de mauvaise foi. Il faut partir de ce principe-là, hein, c'est que je suis pas toujours honnête et sincère. Hein. J'en profite également, du coup, hein, donc bah, Elsa, félicitations. Elsa, tu nous enverras ta dédicace qu'on passera demain. D'ailleurs, j'en profite pour lire la dédicace de Laura Goyer, qui avait gagné vendredi. Elle nous dit... dédicace à tous mes potos de la terminale L de Joubert, toutes les années, toutes les époques, si. Et puis un bisou à mon chum s'il écoute la radio ce matin confiné dans son 30 mètres carrés. Bonne matinale les doux. Merci Tata Lolo. Bon Damien, juste pour vous et moi, je fais une dédicace au S du lycée Joubert hein, parce que c'est bon, il n'y a pas de raison. Voilà, de toute façon c'est les S qui dominent le monde, tout le monde le sait finalement. Hein. Il y a même un complot des S à travers le monde, les Illuminati, tout ça c'est que des S. Hein. Les platistes, pardon. Les platistes c'est des L, de toute façon évidemment. Il y a un L dans platiste et il n'y a absolument pas de S. Même au pluriel on met pas le S. Ah ouais, non mais Loyo, il est encore à fond, il est chaud, il nous a dit la ville fictive se nomme Mos. Mos Eisley, ouais. Sur la planète Tatooine, filmée à Tatooine. Ouais. Et Tatooine, c'est en Tunisie. Putain, j'étais persuadé, par contre, c'était... C'est pas au Mali, ça? Ah, attendez, on va googler. Mais alors, c'est toujours bien d'avoir de la trivia, comme ça, hop. Mais merci pour vos précisions. Non, Tunisie, oui, non, mais vous avez 100% raison, voilà. Bah écoutez, je propose que Loyo Legrand nous fasse une chronique cinéma, puisqu'il a l'air... Une chronique Star Wars, puisqu'il ouais. A l'air de franchement... Chaque jour, on nous présente... En plus, il y a plein d'histoires parallèles, plein d'autres... Ouais. Sans compter les fanfictions, hein. Il y a de la littérature qui te parle de personnages... Il y a la race de spin-off dans Star Wars, que ce soit en bouquin, en dessin, en animé, enfin... En veux-tu, en voilà. Mais je ne saurais que vous conseiller de, bah, si vous voulez vous faire une petite trilogie là pendant ce confinement, faites-vous péter des Star Wars, hein, c'est plutôt bien. Et si vous voulez faire des classiques, regardez Casablanca, hein, c'est un super film. Il faut aimer le cinéma américain des années 50-60, c'est-à-dire qu'il y a toujours des jeunes femmes de 20 ans qui tombent amoureuses de mecs de 50 ans, c'est un peu, voilà. Hein. Bah j'ai envie de dire, c'est la base dans la vie, ça marche comme ça aussi. Voilà. Hein. Et j'ai le sentiment que ça doit forcément avoir un lien avec le fait que les producteurs de films étaient beaucoup des mecs de 50 ans. Voilà, je me dis que peut-être qu'il y a un lien. Et qu'ils se tapaient leurs actrices de 20 ans. Peut-être, je suppose, hein, je suppose. Alors, qu'est-ce que... On n'a pas de rêve, on n'a pas de questions, mais on va se dire au revoir comme ça alors. On va... Bon, en même temps, j'ai bien envie d'aller fumer une clope, donc aux ouais, F. Hein. J'ai un petit peu... Je commence à avoir un petit peu une Béatrice Dalle. Voilà ce que je vous dis, madame, c'est pas ma cam avec nos jeux de mots. Et là, vous entendez ce silence? C'est le silence de moi qui ne vais pas chercher le cartouchier avec le son des rires enregistrés. Voilà. Franchement, t'es un mauvais frère. T'as remplacé mon frère dans sa chambre. Je suis un faux frère. Moi, je tiens juste à signaler que vu comment Elsa s'est fait clasher aujourd'hui, je pense que demain, elle est dans la matinale. C'est comme ça que ça commence, hein. C'est comme ça que ça commence. Mais vous êtes vraiment pas gentil parce que Elsa, toujours dans mon cœur. Ouais, c'est beau d'essayer de se rattraper, mais je pense que le mal est fait. Hein. Mais non. Mais ça, c'est lié à notre complexe d'infériorité où on a tendance à tout le temps bâcher les gens plus intelligents que nous, c'est évident. Pardon. Il y a Hubert Félix Typhon qui nous dit « Moi, j'aime beaucoup la blague sur Béatrice Dalle. Merci. » Merci, Typhon. Franchement, je vous aime. On voit les gens qui s'autocongratulent parce qu'ils font cette blague environ 15 fois par jour, parce que vous, chers auditeurs, vous l'entendez à la radio, mais moi, je l'entends 15 fois dans ma journée, celle-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a un petit creux, c'est... Et puis on se fait des Gilbert Bécaud, et puis j'ai une bonne Béatrice Dalle, et puis c'est quelle de si là attends, j'ai un gros coup de Raymond Barre. Ah, voilà, voilà. Et oh là là, c'est vraiment une chère petite traînée. Voilà. Vous avez mon quotidien. Je suis sûr que vous riez tous. Mais bien sûr, c'est très drôle, c'est très drôle, la première fois. La première fois. Alors envoyez-nous vos jeux de mots, n'hésitez pas, parce que franchement... c'est pas ma cam qui dit. La blague sur Béatrice était drôle. Celle sur le saxophone était à chier. Je suis honnête parce que je t'aime. Oh, merci Elsa. Zoukozouli nous dit, moi je rigole pas. Mais bien sûr que vous rigolez pas, Zoukozouli, parce que ce n'est pas la première fois que vous entendez cette blague. Je vous déteste. Un petit mot pour se dire au revoir là-dessus. Je pense que c'est totalement l'esprit du lundi, donc je pense qu'on va rester comme ça, c'est parfait. Ouais, très bien, très bien. Alors désolé à nos auditeurs qui ont l'habitude de nous entendre, aujourd'hui nous n'avons pas parlé du Troisième Reich, mais nous revenons demain avec toujours plus, avec toujours plus d'humour antisémite. Le déni ce matin. Le déni. C'est qui Denis la main. Voilà. Koh-Lanta, c'est le vendredi soir, c'est pas le lundi. Denis Brogniart. Wow. Ça fait un peu cette fin d'émission, ça fait un peu on donne tout ce qu'on a, c'est un peu le c'est tout ce qu'on n'a pas pu dire ce week-end. C'est le démazoutage de fin d'émission quoi. Je sais pas si ça se dit. C'est un peu comme quand tu t'enlèves les caca dans les yeux le matin, là c'est on vide notre sac de jeux de mots pour faire une journée tranquille. Oh waouh. Eh ben bon bah très bien, bah écoutez ça, en tout cas ça fait plaisir de commencer la semaine avec vous deux, on se fend bien la gueule. C'est toujours agréable. Et puis avec vous tous qui nous écoutez évidemment, on a eu un pic d'audience aujourd'hui, on était à 40 à un moment, dont seulement 20 bots. Donc on embrasse les 20 êtres humains qui nous ont écoutés et on fait un petit bisou à ces 20 bots venus d'Irlande qui nous écoutent aussi, mais de manière très assidue. On va s'écouter un dernier morceau pour se dire au revoir de bonne humeur, c'est Fou du Fafa de Flight of the Conchords. Voilà, si vous avez aussi du temps à perdre, si vous aimez un peu la musique et que vous voulez découvrir une série, je vous recommande Flight of the Conchords. C'est 2 saisons, 10 épisodes de 20 minutes. C'est une série musicale sur 2 musiciens néo-zélandais partis vivre à New York pour réussir et qui sont de gros losers. On a des épisodes hommage à David Bowie, on a plein de petites références à plein de styles, et cette chanson Fou du Fafa, c'est une chanson qui se moque de la France. On se quitte là-dessus, au revoir et bonne journée. Bisous. Bisous. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Fou du fafa. Fou du fafa fafa. Fou du fafa. Aïe. Fou du fafa. Fou du fafa fafa. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme-la-mousse, ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit perroquet de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est ici, bébé. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fou du fafa. Fou du fafa, fafa. Fou du fafa. Aïe. Fou du fafa. Fou du fafa, fafa. père. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe aïe. La radio des bons cons, la radio des bons cons finis, mais pas finaux, la radio des bons cons.